Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, la grande peste du 14e siècle. Tout le monde avait peur de la peste quand la peste sévissait dans une ville, car c'était vraiment un traumatisme incroyable. Une peste vous enlevait en 3 mois la moitié d'une population d'une ville. L'historien français Jean Delumeau, à l'émission L'Histoire aujourd'hui en 1995, venu d'Asie, la peste noire qui va balayer l'Europe de 1347 à 1352 emportera effectivement près de la moitié de la population européenne sur son passage. En plus de semer la peur, la grande peste va ébranler les fondations économiques et démographiques de tout un continent. La terreur provoquée par la peste sera si grande qu'elle poussera à de cruelles chasses aux sorcières, en plus de conduire aux plus étranges fièvres de dévotion. La dite mortalité commença pour nous au mois de janvier et dura l'espace de 7 mois. Elle fut de 2 sortes. La première dura 2 mois avec fièvre continue et crachement de sang, et on en mourait en 3 jours. La seconde fut tout le reste du temps, aussi avec fièvre continue, abcès et charbon aux parties externes, principalement aux aisselles et aux aines. On en mourait dans les 5 jours. Et fut de si grande contagion, spécialement celle qui était avec des crachements de sang, que non seulement en séjournant ensemble, mais aussi en se regardant, l'un la prenait de l'autre, étant que les gens mouraient sans serviteur et étaient ensevelis sans prêtre. Le père ne visitait pas son fils, ni le fils son père. La charité était morte et l'espérance abattue. Extrait de l'émission « La vie comme une histoire » diffusée en 2001, on y entendait Michel Keble lire le récit que faisait des ravages de la peste Guy de Chauliac, le chirurgien du pape à Avignon à l'époque. Pour nous raconter cet épisode tragique de la grande peste du 14e siècle, mon invité Michel Hébert, professeur d'histoire émérite à l'Université du Québec à Montréal. Michel Hébert, bonjour. Bonjour. Examinons d'abord, Michel Hébert, l'ennemi droit dans les yeux, à qui on a affaire, de quoi on parle exactement quand on parle de la peste. Alors, la peste se présente en Europe, donc à l'automne 1347. C'est une épidémie, bien entendu, parce que c'est l'atteinte simultanée d'un grand nombre de personnes par la même maladie. Mais c'est aussi une pandémie, dans la mesure où la peste touche non seulement l'Europe, mais une grande partie de l'Asie et de l'Afrique du Nord aussi. Donc, c'est une épidémie à l'échelle planétaire du monde connu de l'époque. Et puis, ça devient aussi une endémie, c'est-à-dire qu'une fois que la peste est installée, elle demeure pendant plusieurs dizaines d'années, oui, voire un siècle ou deux, avant de disparaître. Et c'est pas la première fois. Cette période dont on va parler aujourd'hui, c'est celle de 1347 à 1352. Mais il y a eu d'autres épisodes précédemment dans l'histoire. Voilà, il y avait eu une grande peste du 6e au 8e siècle qui avait duré presque 2 siècles. Pas de façon permanente, mais encore une fois de façon endémique, à l'époque de l'empereur Justinien. Elle avait fait peut-être autant de ravages que la peste noire, mais on ne possède aucun chiffre pour cette époque-là. Et puis, elle avait complètement disparu, de telle sorte que quand on est atteint par le fléau en 1347 dans le sud de l'Italie, en fait en Asie d'abord, c'est une maladie toute nouvelle qui apparaît. Ouais. Alors ça commence, la peste noire du milieu du 14e siècle, vous venez de le signaler très rapidement, ça part d'Asie avant d'arriver en Europe. Voilà. L'origine est nettement en Asie, dans la steppe d'Asie centrale, ce qui serait aujourd'hui l'Ouzbékistan. En fait, peut-être, mais on est moins bien renseigné, même en Chine, dans les années 1340-1345. Et la peste se répand. Elle arrive sur les bords de la mer Noire, donc dans le sud de la Russie actuelle, en Crimée plus particulièrement. Puis alors là, c'est tout à fait curieux la façon dont la propagation de la peste se fait. On reviendra sur la définition même de ce qu'est cette peste. Mais la propagation se fait de la façon suivante. Les chrétiens, les marchands génois, qui sont dans une ville, un comptoir commercial sur la mer Noire qui s'appelle Caffa, à l'époque, sont assiégés par la horde du grand khan de Mongolie qui veut conquérir la ville de Caffa. Et dans les rangs des Mongols, il y a des gens qui meurent de la peste. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on décide de poser les cadavres sur des catapultes et puis on envoie les cadavres par-dessus les remparts de la ville de façon à contaminer les gens. C'est ce qu'on peut appeler peut-être la première guerre bactériologique de l'histoire de l'humanité. La leçon a été reçue. Ça s'est refait, d'ailleurs, à d'autres époques de l'histoire, ces comportements-là. Donc, nos marchands génois à Caffa sont contaminés par la peste. Ils arrivent à se libérer. Les bateaux génois reviennent vers l'Italie et aborde dans le sud de l'Italie, à Messine, en Sicile, exactement en septembre 1347. On connaît la date de façon assez incroyable. Exacte. Ouais. La peste, on descend du bateau, les rats descendent du navire aussi, puis on sait que les rats sont porteurs de la peste. Le navire, on s'aperçoit qu'il est pestiféré, c'est le cas de le dire, donc il est expulsé de la ville de Messine. Il s'en va à son port d'attache à Gênes. À Gênes, d'autres rats débarquent du navire et transmettent la peste. Et puis de Gênes, on expulse ce navire, on l'envoie à Pise, et ainsi de suite. Ouais. Puis là, ça va partir très rapidement, comme une traînée de poudre. Comment elle se répand, justement? D'abord, pourquoi ça va si vite? Et comment elle se répand? Elle se transmet, la peste? Alors, comment elle se répand? D'abord, les médecins nous ont bien expliqué qu'est-ce que la peste sur le plan médical. C'est un bacille qui a été isolé par Alexandre Yersin, mais à la fin du 19e siècle, un disciple de Pasteur qui travaillait en Indochine. D'ailleurs, tout de suite après avoir isolé le bacille, il a trouvé un vaccin, ce qui fait qu'on ne meurt plus, en principe, de la peste aujourd'hui. La peste a deux formes. La forme bubonique, qui est en principe la moins grave ou la moins mortelle, parce qu'elle n'est mortelle qu'à 60 ou 80 %. Et puis, elle se complique, malheureusement, dans la plupart des cas, d'une forme qu'on appelle pulmonaire ou septicémique, qui, elle, se transmet beaucoup plus rapidement, plus facilement par la salive, et qui est mortelle, on dit, à 100 %. La peste est transportée par la puce du rat, donc c'est la puce du rat qui est porteuse de la maladie. Lorsque le rat meurt, la puce migre vers l'homme et fait ses ravages, fait apparaître des bubons noirs à l'aine, à l'aisselle, qui rendent la personne malade. Et puis finalement, c'est extrêmement contagieux et les gens en meurent systématiquement. Maintenant, on a donné d'autres hypothèses aussi, que la peste n'aurait pas été la peste, que ça aurait été peut-être une forme de charbon et tout ça. Mais d'anthrax. D'anthrax, exactement. Ouais. Oui, bon, on se fait peur avec cette histoire-là depuis quelques années. Ouais. Parce que c'est vrai que ça continue, ça c'est récent. Là. Il y a de nouvelles hypothèses encore. J'ai même vu une hypothèse beaucoup plus récente, à l'effet que ça viendrait d'un météorite qui aurait provoqué des tremblements de terre en Asie centrale et que ces tremblements de terre auraient fait sortir des gaz fumigènes du sol, etc. Bon, ça reste à prouver. L'essentiel, c'est qu'elle a bel et bien eu lieu et que les gens sont bel et bien morts. Et que les ravages ont été vraiment très, très, très importants, fulgurants, rapides. Le nombre de morts, vraiment, c'est étourdissant. À nouveau, je vous propose un extrait de l'émission La vie comme une histoire. Cette fois, Michel Keb lit le récit d'un père qui a perdu ses 5 enfants dans l'épidémie de la peste qui a frappé à l'époque Florence. Les membres d'une famille jetaient leurs morts comme ils pouvaient, dans une rigole, sans prêtre, sans office divin, et l'on ne sonnait même plus le glas. En beaucoup d'endroits, on creusa de grandes fosses qui se remplissaient vite d'une multitude de morts. Et moi, Agnolo di Tura, j'ai enterré de mes propres mains mes 5 enfants. Et il y avait des cadavres qui étaient recouverts d'une couche de terre si superficielle que les chiens les déterraient et les traînaient pour les dévorer à travers les rues de la ville. Chez nous, au début de l'épidémie, certaines enflures se produisaient à l'aine ou sous l'aisselle. On les appelait vulgairement bubons. Dans les 3 jours qui suivaient l'apparition des symptômes, presque tous les gens atteints décédaient. Avec la foule des cadavres, les cimetières devenaient insuffisants pour toutes les sépultures. On creusait donc dans les cimetières attenant aux églises des fosses très profondes où par centaines se casaient les nouveaux arrivés. On recouvrait ces cadavres d'une pelletée de terre qu'on parvenait en haut de la fosse. Les ravages, Michel Hébert, que provoque la peste, on l'entendait assez clairement dans cet extrait, ils sont rapides, fulgurants. Le nombre de victimes est complètement effarant. Le nombre de victimes totales pour une époque comme le 14e siècle est impossible à déterminer d'une façon certaine, vous vous en doutez, on ne tient pas des statistiques comme aujourd'hui. Cependant, je peux vous donner deux petits exemples de chiffres réels et précis qui font froid dans le dos. Le village de Givry, en Bourgogne, le hasard veut que le curé du village tenait un véritable registre paroissial, ce qui est tout à fait unique pour l'époque. Et donc, on sait exactement qui est mort, qui est né, qui est mort dans ce village-là pendant toutes les années avant la peste noire. Eh bien, on sait qu'il y a 643 morts dans un village de 1500 personnes entre le 1er août et le 15 novembre 1348 dans le village. Voyez la proportion. 43 % de la population. Et la rapidité, oui, c'est ça. L'abbaye de Winchester, en Angleterre, possède des domaines ruraux un peu partout à travers le pays. Elle tient le compte des décès des paysans, des vilains qui dépendent de l'abbaye. Moyenne annuelle, 40 morts dans tous les domaines de l'abbaye. En 1349, 707 morts, 18 fois plus que sur la moyenne habituelle. Alors, vous voyez, j'ai parlé de Winchester 1349, Givry en Bourgogne 1348. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est que cette peste noire de 1347, on ne sait jamais trop quelle année lui donner. 1347, l'automne en Italie, mais 1348 à Paris, 1349 en Angleterre. On voit là, l'évolution, le parcours. 1349, 1350 en Norvège et en Suède, 1351 en Finlande, dans les pays baltes, 1352 à Moscou. Mm-hmm. Mais lorsque la peste arrive à Moscou, ça fait des mois et des années qu'elle est terminée ailleurs. C'est-à-dire que quand la peste apparaît quelque part, pour des raisons qu'on ignore médicalement, après 6 mois environ, d'ailleurs votre premier extrait le mentionnait, après 6 mois environ, la peste disparaît. Les gens qui ont survécu ne sont plus atteints. Autre particularité de cette peste, quand elle frappe, au moment où elle frappe, c'est qu'elle frappe tout le monde, sans distinction aucune d'âge, de rang social, tout le monde est frappé. On a essayé de voir si elle frappait plus les jeunes que les vieux. Ce n'est pas le cas. Par contre, lorsque la peste revient, parce qu'il y a des retours de peste puisqu'elle devient endémique, en 1361-1362, il y a le premier retour de peste, donc 10 ou 15 ans après la grande épidémie. Celle-là, les contemporains l'ont appelée la peste des enfants. Pourquoi? Parce que les enfants mouraient plus. Et les enfants mouraient plus probablement parce que c'était ceux qui étaient nés après la grande peste et qui peut-être ne bénéficiaient pas de cette espèce d'immunité qui avait valu aux survivants de pouvoir être encore présents. Bon, on s'est demandé si ça touchait plus les riches que les pauvres. Apparemment, non. On a fait toutes sortes d'études ici et là. On a vu, par exemple, dans une ville à Perpignan, dans le sud de la France, 60 % des notaires et des avocats sont morts de la peste. Donc, c'est des gens qui vivent bien. C'est pas particulièrement pauvres. On peut pas penser qu'ils étaient moins menacés. Par contre, des chercheurs anglais, j'ai lu ça récemment, ça me paraît un peu curieux, prétendent que la peste a favorisé le développement de la langue anglaise. Ah bon? Parce qu'en Angleterre, les gens de l'aristocratie, les gens éduqués parlaient plutôt le français que l'anglais. Mais on dit que comme ils étaient beaucoup plus nombreux à mourir, finalement, les survivants étaient plutôt anglophones que francophones. Ouais. Ça reste peut-être à vérifier, mais je pense qu'on n'a jamais pu démontrer, sauf un cas très particulier, des gens d'une certaine aristocratie qui avaient la possibilité non seulement de bien se nourrir et de se garder en bonne santé, mais de quitter la ville, de se réfugier à la campagne, et s'ils n'étaient pas atteints une première fois et s'ils s'enfermaient dans leur château, dans leur résidence de campagne, avaient une chance de survivre. Ouais. Ça, on y reviendra au fond, aux moyens, ça évoque un peu l'idée de la quarantaine, aux moyens qui seront mis en branle pour combattre cette épidémie de peste. Comment réagit, écoutez, c'est fulgurant, les chiffres font peur, on meurt très vite. Comment réagissent les populations qui sont touchées par cette épidémie, Michel Hébert? Bien, la première question qu'on se pose, ça pourrait être qu'est-ce que c'est que ce fléau? Ça vient d'où? Ouais. On essaie de comprendre. On a entendu un médecin la décrire. Les médecins ont essayé de l'expliquer aussi. Je vous donne l'explication d'un médecin contemporain, Simon de Couvin, médecin français aussi, qui dit, bien, c'est pas compliqué. C'est la grande conjonction de Jupiter, de Saturne et de Mars. Le 20 mars 1345, à 13h, sous le 14e degré du Verseau, qui est responsable du fléau. Ça, c'est typique de la médecine de l'époque. Médecine et astrologie ne font qu'un à l'époque. Mais le même médecin disait juste après, « Celui que sustentait mal une nourriture trop pauvre tombait au seul souffle de la maladie et la foule des petites gens misérables mourait sans regret, car la vie était pour eux une mort. » Alors, passons à côté du côté un peu moralisant de ça, il dit, pour l'explication, ça va, on ne sait pas comment l'expliquer. On l'explique par l'astrologie. Tout vient de Dieu et des astres au Moyen-Âge. Cependant, si on était mal nourri, on était plus faible. Donc, il y avait quand même cette idée que on pouvait prévenir la maladie jusqu'à un certain point dans certaines conditions sanitaires. Ouais. Comment on va essayer, justement? Puis il y aura d'autres explications plus divines, puis on y reviendra, parce qu'il y aura une vague de ferveur qui suivra, donc, cette grande vague de peste. Comment on va concrètement essayer de combattre, et médicalement essayer de combattre cette épidémie? On écoute l'historien Patrice Bourdelais en parler au micro de Marie-France Bazot à l'émission Indicatif présent en 2006. Ce qui est le plus frappant, c'est qu'au fond, ce sont les dispositifs développés, mis en place pour lutter contre la peste qui vont perdurer jusqu'au 19e siècle. Donc d'abord la quarantaine pour éloigner les personnes qui, venant de régions suspectes, pourraient importer la maladie. Puis ensuite des cordons sanitaires pour enserrer et contrôler les zones contaminées et éviter les échanges entre ces zones et les zones indemnes. Et puis au-delà de ça, on peut penser à des passeports sanitaires, au fond, qui émergent au XVe siècle et qui, d'une certaine manière, ont perduré aussi jusqu'au XIXe siècle. Quarantaine, passeport sanitaire, comment on va réussir, ou en tout cas tenter, Michel Hébert, et avec quelle efficacité, de combattre cette peste? Mais essentiellement, on se rendait bien compte que la seule manière de prévention, c'était de se tenir loin de la contagion, donc des gens qui étaient déjà atteints par la maladie. Alors, on interdit aux gens, par exemple, dans les villes, de rendre visite à leurs proches, à leurs parents quand ils sont malades. On les enferme ou ils s'enferment volontairement chez eux. Lorsque quelqu'un meurt, on réglemente la profondeur des fosses pour pas que, justement, les chiens aillent les déterrer. On interdit d'accompagner les convois au-delà de l'église pour ne pas encore qu'il y ait trop de possibilités de contagion. On fait brûler, c'est intéressant parce qu'on ne sait pas qu'il s'agit d'un bacille, mais on fait brûler les vêtements, par exemple, ou les effets personnels des gens qui sont morts de la peste. Donc, ouais. Ce sont des éléments pour se protéger, mais pour soigner comme tel, on essaie un peu n'importe quoi, c'est pas la peine de rentrer dans le détail. Ouais. Ça n'a aucune espèce d'efficacité. Et comme, justement, ça n'a aucune espèce d'efficacité, que ça ne marche pas, que les morts continuent de se multiplier, on va se mettre à un moment donné, on veut trouver un coupable et on se met à pointer du doigt qui de l'un, qui de l'autre, qui sera pointé du doigt? Eh bien, l'humanité entière est pointée du doigt. Vous savez, c'est un châtiment divin. On est au Moyen-Âge et puis forcément, un fléau comme ça doit être un châtiment divin. Maintenant, un châtiment divin, c'est pour les péchés du monde. Et puis, un groupe, on le sait, qui est souvent pointé du doigt comme responsable de beaucoup de choses pendant le Moyen-Âge, et pas seulement pendant le Moyen-Âge, malheureusement, ce sont les Juifs. Mm-hmm. Les Juifs qu'on accuse d'avoir fait mourir le Christ, qu'on accuse de toutes sortes de choses, eh bien, ils deviennent le bouc émissaire. Et pour ajouter l'insulte à l'injure, finalement, dans beaucoup de villes, en Catalogne, dans l'Allemagne du Nord, des pogroms importants. Carrément. Qui vont faire mourir en quelques jours des milliers ou des dizaines de milliers de Juifs qu'on accuse d'avoir empoisonné les puits. Donc, d'être directement, immédiatement, volontairement responsable de la diffusion de la maladie, ce qui est terrible. Elle se termine officiellement, guillemets, en 1352, mais ce n'est pas la fin de la peste, Michel Hébert, pour autant. Non, parce que c'est une endémie. La peste est installée. On en voit des sursauts assez nombreux encore jusqu'au début, au milieu du 15e siècle en Europe. Et puis, elle reste en Europe jusqu'au 18e. Les dernières épidémies touchent le sud de la France, par exemple, autour de 1720. On parle de la grande peste de Marseille en 1720, puis finit par disparaître de façon naturelle, à peu près complètement. Les conséquences de la peste seront aussi très, très durables parce qu'un choc d'abord démographique important, pendant au moins un siècle, certains historiens disent on en aura pour 3 siècles à se relever de la peste. On y vient dans un instant, mais juste avant, pour vous donner un exemple très, très concret, mais c'est intéressant, de l'impact qu'aura sur le plan économique cette grande peste. Écoutez cet historien, John Drendel, qui parle de la hausse, l'effet à la hausse des salaires des ouvriers spécialisés à cause de cette épidémie de grande peste, extrait de l'émission Les Grandes Religions en novembre 1991. Lorsque on perd un ouvrier spécialisé, on ne peut pas le remplacer. Le capital fixe dans l'industrie du Moyen-Âge n'est pas dans les outils, mais c'est dans les personnes. Il faut des années pour entraîner un bon teinturier, quelqu'un qui peut bien préparer les draps, tandis que les outils sont très rudimentaires. Ces gens-là ne peuvent pas être remplacés de nuit au lendemain. Et donc, les salaires exigés par les survivantes augmente très très forte. Si vous voulez, c'est un âge d'or pour les ouvriers dans le bâtiment, dans l'industrie drapière. Entre 1348 et 1450, c'est de l'âge d'or. On pense que même en Angleterre, le niveau de vie d'un salarié dans l'industrie de bâtiment en 1400 ne sera pas égalé avant la révolution industrielle. On a là un exemple très précis, Michel Hébert, de l'impact de la peste sur les salaires des ouvriers spécialisés, mais les conséquences sociales, économiques, démographiques de la peste vont être importantes et, je le disais, vont durer très, très longtemps. C'est vrai que pour les travailleurs, surtout les travailleurs spécialisés, c'était une aubaine. D'ailleurs, les États ne s'y sont pas trompés, puisqu'on a des statuts qui réglementent les prix et les salaires dans les années qui suivent la peste noire, parce qu'on avait une tendance à la hausse, pas seulement des salaires, mais des prix aussi, ouais. Parce que tout allait ensemble. C'est une nouvelle donne. Emmanuel Leroy-Ladurie a parlé du 15e siècle, donc le siècle qui suit la peste noire comme le siècle de l'homme rare, de l'humanité appauvrie sur le plan démographique. Et puis, il y a un calcul qu'on a fait pour une petite ville italienne près de Florence qui appelle San Gimignano, qui est une très, très jolie ville d'ailleurs, qui est restée un peu figée dans son histoire. Et puis, on se l'explique par les chiffres que je vais donner. À San Gimignano, on avait 2500 familles juste avant la peste. On tombe à 500 familles pendant tout le 15e siècle, donc 5 fois moins de population. Et la population d'avant la peste, on ne la retrouve à San Gimignano qu'en 1950. Ouais, bon, il y a toutes sortes d'autres facteurs qui ont pu jouer, évidemment. Ouais. Mais quiconque a visité l'Italie puis a vu cette ville qui est conservée dans son écrin médiéval s'aperçoit que la pauvreté, la dépopulation, des fois, ça sauve l'architecture aussi, puisqu'on n'a pas pu, on n'a pas eu l'argent pour rénover. Donc, on a conservé cette ville dans l'état. On l'a figé dans l'état. Avec ses tours, en fait. Avec ses tours, on parlait des drapiers un peu plus tôt dans l'émission. Voilà. Il y avait un extrait qui nous parlait de ça. C'est ce qu'on faisait la coloration, la teinte des draps dans ces grandes tours de San Gimignano. Sur le plan plus psychologique, donc vraiment, l'impact démographique va être très, très important, économique aussi. Sur le plan plus psychologique, Michel Hébert, on termine là-dessus, mais de quelle manière cette peste aura ébranlé, au fond, cette Europe occidentale? On parle d'une mentalité pessimiste, une peur de la mort, évidemment, ça va de soi, même si à toutes les époques, surtout dans la chrétienté, on a eu peur de la mort. La dévotion se transforme. Par exemple, les gens qui font leur testament, au lieu de consacrer quelques dizaines de messes pour le repos de leur âme, vont se mettre tout à coup à laisser de l'argent pour des centaines, des milliers. S'ils ont de l'argent, des dizaines de milliers de messes. On a parlé d'une dévotion flamboyante. J'appellerais ça une espèce d'assurance sur l'éternité, au fond. Ouais. C'est une nouveauté. Et puis dans l'art, si vous regardez un peu l'évolution de l'art entre le 13e, le 14e siècle et puis le 15e siècle d'après la peste, on va dans l'art religieux, on va dire avant la peste noire, qu'est-ce qu'on choisit comme sujet? La Madone à l'enfant, la Vierge à l'enfant, de façon massive. Qu'est-ce qu'on choisit après la peste? La crucifixion. Ouais. La Pietà, qui est une descente de croix avec la Vierge qui tient le Christ mort sur ses genoux, par exemple. Donc, un art du tragique. Et ça apparaît énormément. Et puis, ce sentiment de fin du monde, au fond, qui teintera cette grande peste. Bien, je vous lis quelques lignes de la chronique qui est tenue par un moine irlandais. Pendant la peste, il était atteint de la peste lui-même, il se savait mourant, et dans sa chronique, il écrit ceci, il écrit « Devant tous ces malheurs qui se répandent dans le monde entier, attendant parmi les morts la mort qui approche, j'ai mis par écrit ce que j'ai appris et entendu. Et pour que le texte écrit ne disparaisse pas avec son auteur, ou que l'ouvrage ne disparaisse pas avec l'ouvrier, je laisse du parchemin pour la continuation de l'œuvre, au cas où quelques futurs survivants parmi les enfants d'Adam échapperaient à cette pestilence et voudraient poursuivre l'œuvre que j'ai entreprise. » Le texte s'arrête là, puis d'une autre main sur la chronique, il est écrit « Ici, l'auteur est mort. » Alors, ça montre un peu le tragique. Et à la même époque, Pétrarque, aussi le grand poète italien, écrivait « Heureux nos arrière-petits-fils qui n'auront pas vu ces calamités et qui peut-être regarderont comme une fable le récit que nous en ferons. » Donc, l'espoir que peut-être les gens vont oublier puis qu'ils vont penser que tout ça, ça n'a jamais existé. Michel Hébert, professeur émérite d'histoire à l'Université du Québec à Montréal, merci beaucoup d'être venu nous voir. Merci. Merci à vous. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.